188e chapitre. Un coup d'audace. Les prisonniers furent tous reconduits dans la pièce où ils se trouvaient précédemment. Là, Fabien, que la rage rendait fou, se précipita contre la muraille, cherchant à briser l'affreux carcan qui lui entourait le cou, mais il ne réussit qu'à se blesser affreusement. « Sale chinois ! Hurlait-il. « Gredin, sauvage, assassin, je vous garantis que vous me le payerez. Oui, vous verrez ce que cela vous coûtera d'arrêter ainsi les honnêtes gens. » Monsieur Voirin dit à ses compagnons, « Comme toujours, on reconnaît là les procédés de Steiner. Le drôle a encore manœuvré avec la perfidie qui lui est coutumière. Dès qu'il a vu qu'une de ses bombes avait incendié les bois et les champs, il a eu aussitôt l'idée de nous accuser. C'est habile. Mais je me demande pourquoi on a ajouté foi à ses explications plutôt qu'aux nôtres. Il est vrai que le misérable possède assez bien la langue chinoise et qu'il trouve plus facilement que nous des sympathies parmi les jaunes. » Francis se lamentait et le pauvre Totao cherchait en vain à consoler son ami. Tout à coup, Fabien s'écria. « Nous sommes tous emprisonnés dans ces maudits carcans. Mais le gosse est libre, lui. On n'a pas jugé à propos de lui coller des planches sur les épaules. Oh, une idée! S'il pouvait délivrer l'un de nous !» Et le Parisien s'approcha de Totao. Il ne pouvait se faire comprendre du jeune Tonkinois, mais il arriva par des signes à expliquer à Totao ce qu'il désirait de lui. Le gosse était intelligent. Il saisit ce que Fabien voulait lui dire. Au prix d'efforts inouïs avec ses petites mains, il parvint à décrocher les deux clavettes qui maintenaient les planches sur les épaules de son ami. Le Parisien était libre. Alors, en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, il délivra à son tour ses trois compagnons. « Ouf ! » s'écria-t-il quand il eut terminé. « Voici déjà un premier pas de fait. Nous sommes délivrés de ces maudits carcans et nous avons des armes entre les mains. Oui, je dis bien des armes, car chacune de ces planches sera pour nous une massue avec laquelle nous nous défendrons. En attendant, nous allons tâcher de défoncer la muraille. Ça ne doit pas être très solide, cette bicoque-là. Les Chinois ne savent pas construire. » Fabien se trompait. Les murs de la prison étaient recouverts de plâtre. Mais sous ce plâtre, il ne tarda pas à apercevoir des pierres aussi solides que du granit. Il songea à s'attaquer à la porte. Celle-ci était en chêne plein et d'énormes ferrures la barraient en long et en large. « Rien à faire !» s'écria le Parisien en s'essuyant le front. « Ah, malheur de malheur, on peut dire que nous sommes dans de vilains draps !» Tout à coup, il parut se calmer et se retourna vers ses compagnons en disant « Écoutez, il faut absolument que nous sortions d'ici, n'est-ce pas? Nous ne pouvons demeurer dans cette affreuse turne pendant que le Steiner continuera tranquillement sa route. Cela n'est pas possible. Il faut, coûte, que nous nous évadions. Or, j'ai une idée. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais enfin, nous n'avons pas le choix. » Nous aurons sans doute bientôt la visite d'un gardien qui viendra, comme hier, nous apporter de l'eau. Quand nous entendrons cet homme marcher dans le couloir, puis ouvrir la porte, vous n'aurez qu'à vous dissimuler dans l'ombre. Le reste me regarde. Laissez-moi faire. » Le Parisien avait à peine achevé ces mots qu'un bruit de pas résonnait dans le couloir. « Attention !» dit Fabien à voix basse. « Voici notre geôlier. » Il doit être seul. Oui, c'est certain. Ah, mon bonhomme, tu ne te doutes pas de ce que tu vas prendre pour ton rhume. » Monsieur Voirin, Grondard, Francis et Totao s'étaient placés dans le fond de la pièce. Fabien, une planche à la main, se tenait à gauche de la porte. Il y eut parmi les prisonniers un moment d'angoisse. Enfin, les verrous grincèrent. Une chaîne heurta lourdement le bois. La porte s'entr'ouvrit. Et une tête se montra dans l'embrasure. Déjà la planche que tenait Fabien s'était abattue avec un bruit mat sur la tête du Chinois. L'homme tomba sans pousser un cri. Il lâcha la cruche qu'il tenait à la main et qui se brisa avec un bruit épouvantable sur les dalles de pierre. En avant ! Cria le Parisien en se retournant vers ses compagnons. Et tous, armés de planches, à l'exception de Totao, se précipitèrent dans le couloir.